Quelques gouttelettes au réveil, 10h l'heure de l'apéro, l'appel du vermeil Bordeaux. Pour savourer le sommeil, une petite liqueur d'abricot, je suis petit soleil rougeau. Réveillez-moi, je suis seul au monde et j'ai froid. Sortez-moi de là, secouez-moi. Quelques boulettes au réveil, 11h l'heure du petit bédo, l'appel de mon Marocco. Pour retrouver le sommeil, deux feuilles qui me font planer haut, pays des merveilles, chaos. Réveillez-moi, je suis seul au monde et j'ai froid. Sortez-moi de là, secouez-moi. Quelques gaufrettes au réveil, midi l'heure des petits gâteaux, l'appel pâtissier rouleau. Pour digérer le sommeil, léger millefeuille au sirop, profiterons le miel tout chaud. Réveillez-moi, je suis seul au monde et j'ai froid. Sortez-moi de là, secouez-moi.